2-2 Tatri Kaz Brr. Tout ce qu'on veut faire c'est le papier. Y'a des bacs que plein le quartier. Personne ne joue dans la NBA, mais mes frères connaissent très bien le parquet. 4 saisons sur les quartiers et on revend pour le cachier. Si tu veux encaisser tu paies. Si tu veux faire le show tu saignes. Jazz de 200 pour l'avocat Stays. Smith et Wesson pour la bocasse ferme. Parti de rien comme Tony à la frontière. Je suis dans le bloc tous les jours comme la concierge. Ta pétasse veut monter dans le quattro. Je la laisse dehors comme videur du théâtre. Je sais qu'elle veut manger sa part du gâteau. J'arrive tout en gauche comme si j'étais son macro. Je suis dans le VIP, je suis toujours dans les bails. J'ai les yeux sur son le bout, le respect et die. Quelques millions d'euros et puis ça ira. Et les nuits sont blanches comme la cocaïne. Y'a pas trop traîné, c'est le piège ici. Faut être discret pour faire des jazz ici. Ça parle que de compter l'oseille ici. Ça a l'air d'un joueur de Manchester City. Tout le monde se cache quand l'été arrive. Le cash c'est de l'eau pour une terre aride. Le shit est bien jaune, le sang est bien rouge. Dans les deux cas ça ressemble à une Ferrari. J'suis dans la zèle, c'est ça depuis longtemps. Il a fini mais que j'l'écoute en pilotant. J'l'écoute en pilotant. Y'a les cops derrière. J'n'ai tous en clignotant. Tout ce qu'on veut faire c'est le papier. Y'a des bacs que plein le quartier. Personne ne joue dans la NBA, mais mes frères connaissent très bien le parquet. 4 saisons sur les quartiers et on revend pour le cachier. Si tu veux encaisser tu paies. Si tu veux faire le show tu saignes. Au studio, j'ai jamais été un élève studieux. Je vais à l'idiot, j'en vends un dos, tu peux pas faire mieux. Les seules personnes que j'envie c'est les pieux. J'ai passé des journées où j'avais pas d'yeux. J'ai que des flashbacks beamer quand j'étais drug dealer. VVS à chaque fois dealer, pas l'argent du rap dealer. Les vont glisser, ils sont sous crack dope. Je vois la Mondeo dedans, y'a 4 taux. Ils font les drug dealers mais ils ont pas de dope. Et je shark dans le tas si je vois 4 hors. Laisse-moi tout seul, je vais le boxer. C'est un camé sous oxy. Et j'en connais qui ont pop 6. J'suis pas dans le camp des 3-6. Et ça peut faire pa-pa-pa. Oublie pas que c'est toi qui guide tes bars. J'me tape des pa-pa-bar. J'suis à l'arrivée, ils sont au top départ. Il faut pas les par-par-par. J'saute sur toi comme guépard. Tout ce qu'on veut faire c'est le papier. Y'a des bacs que plein le quartier. Personne ne joue dans la NBA, mais mes frères connaissent très bien le parquet. 4 saisons sur les quartiers et on revend pour le cachier. Si tu veux encaisser tu paies. Plus tu veux faire le show tu sais. Tout ce qu'on veut faire c'est le papier. Y'a des bacs que plein le quartier. Personne ne joue dans la NBA, mais mes frères connaissent très bien le parquet. 4 saisons sur les quartiers et on revend pour le cachier. Si tu veux encaisser tu paies. Plus tu veux faire le show tu sais.